Koloba koloba matoyi pasu Kotuna kotuna nalembi koyebisa Nasina baye o Aboli koyo ya mbonya maboyebi Malinga bakoyebisa nandi mate Nako kufa na tembe ya bozomai Nako maki koloba loba epambai Nako ya kibalinga ipona namu Mose kase diye Kakito vanda Olu kakito sala li bota Olu kakio baby sali bala nakai Oli kakina pesa kambanda ali akai Olu kakiba se kangai nabani kai Naboy Ome seneko vanda li bala te Ome seneko luka luka izamba nyoso Decision prise Yes, I'm going to be a little bit of a mama.